Du Jean-Jacques Goldman. On fait de la guitare. On fait aller les cordes. On fait péter le son, tiu. Oh, ma dédi. Les voisins sont en train de faire dodo. On a un petit accent pour mettre le son. Il y a plein de trucs qui chargent là. On va mettre sa race. Tout le monde va cartonner. Rythmer une chanson. Tout le monde va mettre sa race. Yo-Yo est dans la place. Donna A. Ocré et Priscilla. Julien. Julien fait de la guitare. Des petites notes. Mais le micro va pas très bien parce que j'entends pas ma voix. On n'entend rien. Ça peut aller. On est défoncé. Le micro a du mal pour entrer le son. Parce qu'on va réveiller les foissins. Au Créfaralé. Et on va appeler Tiou. Il va régler le micro. Comment fait-on pour chanter le rythme de ta guitare? Je connais pas les paroles. Il manquerait plus que ça, tu sais, tout il s'enregistre, tu sais. Ah ouais, on va mettre sa race. Les Chinois vont jouer avec moi la musique. Ils vont m'écouter au micro avec Yo-Yo. Voilà, Julien joue une bonne note. On va faire péter le son. Voilà, je... Julien, il met de son côté pour faire péter les notes. Voilà, Julien, t'as trouvé les one notes. Trouve bien les accords. Vas-y, en plus, on peut nous écouter là. Bah, vas-y. On va mettre sa race. C'est comme un abricot. qu'il faut pas manger le noyau. Eh, hey, salut public. Le péteur est amoureux. Tout le monde est en train de rigoler et se fout de ma putain de gueule. Surtout au cré. Il faut manger le noyau. Tu pourrais te réécouter demain. Ah ah. C'est Fanjo ici, c'est le fun. Même si on peut pas le mettre le son à fond. Voilà, la note est passée. Et on joue de la guitare. C'est ta pote à moi, lol. Titanic. Eh les gens, comment vous allez? Vous allez bien? On fait péter la sono ce soir. Yo, c'est Noël. C'est ta pote à moi. Yeah. Et moi, ma mec. L'amour, c'est comme un abricot. Il faut pas manger le noyau. Hey, salut public, vous m'entendez bien? On fait péter le noyau ce soir. Je m'appelle Monsieur Tamboula. Je chante corde à sauter. Ya. Yeah. Y'a personne qui répond sur les commentaires. L'amour, c'est comme un abricot. Il faut pas manger de noyau. L'amour, c'est comme un abricot. Il faut pas manger de noyau. Salut public! Est-ce qu'il y a les dents jaunes, les doigts jaunes et les poumons jaunes? Un canari! Mais non, je plaisante! Un fumeur de l'école! Yes, on dit fuck the dream! Dream! Je comprends pas le l'anglais! Julien fait péter la guitare, il met toute sa race. Et on nous entend, on fait la festa ici. Je suis seul enculé qui se tape la honte ici ce soir. Avec un petit micro. Je vais appeler Yo-Yo. Go ta go, it's a wee hour. A wet of space, it be back soon to jam from 39 Marge. What's the restraint? Me LMFAO. A sexy hell, I know way. Inviter des copains. Ya, yeah, à plus. What is the serveur? Nous sommes pas sur un jeu vidéo, les copains. On marche sur un serveur, on n'est pas sur un jeu vidéo. Et donc maintenant nous avons Kevin au clavier. On applaudit bien fort Kevin.